émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap gradure. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour un nouveau Planète Rap avec les Cheguets, les Cheguesses à l'écoute, le Cheguet Squad aussi et Monsieur Gradure, notre invité. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? En pleine forme? Ouais, en pleine forme. Tout va bien? On s'est vu au Planète Rap, on s'est vu à Trace TV, ouais. Au Trace Award. Hier, il y a eu une grosse prestation, hein, d'ailleurs, hier. Pour, c'était très, très, très lourd. Avec, bah, avec tout le Cheguet Squad. Voilà, ouais, ouais. Avec mon Cheguet Squad, comme d'habitude, on est là ou pas? Ouais! 5-9, on est là ou pas? Ouais! Voilà. Bon, tout le monde va bien dans le Cheguet Squad? En pleine forme? Tout le monde est en forme dans Cheguet Squad, ça va? Bien, ça roule. Ça roule. Voilà. On rappelle que la mixtape, ça y est, elle est gratos, elle est disponible, on peut la trouver. Elle est disponible, frérot. Faut la télécharger, c'est gratuit. Il y a évidemment les 10 Cheguets qui sont dispo. Ouais, avec 4-5 inédits et plein de bonus. Il y a Midos, il y a Bilon, il y a Adil, il y a MCG, il y a ISK, il y a Malaka, il y a Skizidi, il y a MAD, il y a Krilino, il y a Kosdar. Il y en a plein, plein, plein. J'ai mis tous les mecs du 5-9 qui rappent. Tous les mecs du 5-9, du 59 grammes, ils sont tous dessus. Allez cliquer, allez récupérer la mixtape. Et puis il y a une date aussi qui est importante qu'on a appris cette semaine, c'est le Bataclan, premier Bataclan pour toi. Pour le 25 février. Ouais, voilà, vive Gradure en concert. Allez prendre vos places, allez vous procurer. Et aussi le 31 au Red Room. Mais Lyonnais, on est ensemble. C'est où là, au mois d'octobre? Voilà, c'est un showcase. 31 octobre en showcase du côté de Lyon. Voilà, ça va être très très lourd avec mes Lyonnais, une grosse force à eux. Et hier soir, il y avait encore une grosse émission avec toi, Gradure, et tes invités. On va revivre ça un petit peu, concentré en l'espace de 3-4 minutes. Voilà. C'est le replay maintenant. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Comment ça va ce soir? Ouais, ça va au calme. Voilà, je sens une petite voix épuisée déjà. T'as vu? C'est l'air parisien qui te... Non, même pas, c'est bon. On fait plein de trucs. Bon, il y a plein de choses en ce moment. Bah, en même temps, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une grosse activité autour de toi. Une grosse activité. Radio validée par Skyrock, alors Planète Rap. Si on se mettait un petit coup de Cheguet Squad. Cheguet Squad, voilà. Cheguet Squad. Dis-leur, c'est le Cheguet Squad. Cheguet Squad. Planète Rap. Planète Rap. C'était hier soir dans Planète Rap. Est-ce que là maintenant tu commences à avoir une vision de ta carrière, je sais pas, mais au moins des prochaines années? Est-ce que ce sera plutôt déjà rapper, ensuite produire d'autres personnes? C'est Déjà je vais faire croquer tout ce que je peux faire croquer. Mais donc sinon sur les prochaines années, c'est quand même tout. Sortir des albums pour toi? Non, le prochain c'est pour moi. L'homme au bob. Voilà, l'homme au bob qui va être très très lourd avec des gros featuring, des gros sons. Planète Rap. Vous les connaissez sous ma semelle ou pas derrière? Il faut leur montrer là, Skyrock, comment on fait ça. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sous ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je allume sa mère sans recevoir son air de transfert. Faire du bruit ici ou quoi là? Tout le monde est là ou quoi? Qu'est pas ça? Ouais, mon dibou, qu'est pas ça? Mundele, on arrive, on est pas ça. J'appelais l'Embi, là y'a le feu dans la plaza. Qu'est pas ça? Ouais, Cheguet, qu'est pas ça? On est venu raffoler la monnaie armée comme les soldats d'un plaza. Voilà, petit aperçu de ce qui s'est passé hier soir dans l'émission entre 20h et 21h avec Gradure, notre invité. Vos messages avec le hashtag Gradure sur Skyrock. Poursuivre l'émission aussi, allez faire un tour sur l'appli, hein. Vous téléchargez gratuitement l'appli Skyrock FM ou alors sur le skyrock.fm pour vivre ce Planète Rap en images. C'est tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Gradure, tu as du renfort avec des hommes, des jeunes garçons au bob, voilà, qui sont là près de toi. Voilà, c'est le petit qui avait fait un petit freestyle sur mon son, sur YouTube. Ouais. C'est lui le petit. Ah, c'est toi qui as fait? Dis-lui, parle. T'as quel âge? Dis-moi, t'as quel âge? Tiens, prends bien le micro. Hop, viens, on t'entend bien. 7 ans. 7 ans? Ça va? En pleine forme, toi aussi, t'as mis le bob? Ouais. L'homme au bob. Petit Cheguet. Et c'est le petit Cheguet qui est là avec nous. Et puis son grand frère Cheguet, t'es frangin? T'es son frangin? T'es son frère? Qui sait plus? Il sait plus. Ouais, c'est ouais. N'aie pas peur, c'est la télé, il n'y a rien. C'est la radio aussi. Radio, c'est la radio, t'as vu. Mais c'est vrai qu'en même temps, on peut voir aussi, aussi les images. Tu veux rapper un petit truc ou pas? Vas-y. Vas-y. Allez, à capelle, un petit truc rapide. Négro, je vais mon zio. H-I-A-E-O. Touche dans la raquette, 9 mm. La balle te pénètre. Vas-y, méo. Radio, zico, négro. Ah, qui prêt à rentrer en belly, les vigies pour la Monica. Ah, bro, et ça, qu'on était. Écoute, c'est toi, donc qui te pénètre. Négro, négro, belle. Si tu veux toucher, ah, non, toi qui pénètre, belle. Mais négro, on lance ça. Pour du bison, les moussas. Fais pas le fou dans le houle. Tu vas pas sa moudre à cana. Parce qu'il y a une aboute à cana. Des négros, j'ai cana. Des robes, j'ai cana. Vous ne laissez pas cana. Ma bangonioso. C'est comment ton prénom? Franck. Franck, mm-hmm. Je pense qu'on peut faire beaucoup de bruit pour Franck Barbeau. Ouais, ouais, ouais. Moi je me disais à 7 ans qu'est-ce que je chantais, ouais. C'était des trucs. J'aurais jamais imaginé à 7 ans pouvoir chanter du Gradur. Non, même pas. Je vais chanter du Jacques Brel. Du Brassens. Non, c'est. Bien. Eh ben bravo en tout cas, il est là avec nous, on peut voir les vidéos sur Skyrock FM. Est-ce qu'on débute avec un petit Shaggy Squad? Ouais, Radio comme d'habitude, hein. Ah, t'as vu, t'as kiffé, hein, Shaggy Squad. Ah, je l'aime bien ce morceau, Shaggy Squad. Bien hein. Bon, bien bon. Il est bien bon ce morceau. Il est bien bon. Allez, on le balance maintenant, c'est parti. Enver Zou. Allez, c'est parti. Bientôt le concert, le 8 novembre. Père de Chaume, on est ensemble. If she ain't fucking, she got to go. Tell her don't waste my time. The least wanna stop me, search my clothes. Word. Tell him don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell him don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Oh, no, no, no. Arrive de Roubaix pour baiser le game. Sur la route, tu peux l'enfer en détail. À 35 piges, tu auras pas dans les temps. Non, négro, c'est trop grave. C'est un scandale que tu peux parler d'art. Je crois que ma bite est calibre dans ton trou de bol. Bite est calibre dans ton trou de bol. Même tes pilés, je sais qu'ils sont pas tailles. Putain, rejoins un terre à ma gauche. 9 mm. Cette salope elle boite. Entrée avec mon famage la droite. Barbeau qui vit dans son cul squat. J'ai pas d'arrêt, on parle pas cru en nous. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. On va vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Toujours présent pour les niquer sur le beat. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. C'est le Shaggy Squad. Ils veulent tout sucer notre but. On est des killers, on va tout plier des gars. On va tout plier des gars. Les négros sont pliés, veulent des billets, donc redébuter des kilogrammes. Des kilogrammes. Ouais, c'est quoi les bails bâtards? Ta face de la décale où je fais un drame. Bitch, tu gagnes ou t'es propre? Tu suces ou tu crottes? T'assumes ou t'as fort? Bitch, Qatar, tu suis ou t'es score? Les corps, tu michetonnes. Salope, t'es trop conne. J'suis à jeun. Et ton café a des sous. Et tous ces fils de pute, je les pêche, porte mes patins. Et j'en vais les rendre fous. Dis-leur que je suis plus chaud que la brève. Bâtard, on parlait, on croit cru en nous. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. T'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur c'est le Shaggy Squad. Encaisse la monnaie comme un rapide. J'ai cassé lâcher la bœuf dans le fut à Tarakli. Arki vient pas fumer sur mon paquet. Mais c'est que son frère, il demande à ta qui. Vicieux, viser la peuf, meuf, un sachet. Faux chèque de banque, genre un gamos, si j'achète. Baveux, je risque le parquet, c'est pas fait. T'es pas prêt, regarde nous débouler en paquet. Ouais, mon œil gros genre de. Versace, Versace, c'est pas notre faute. Y'a la drogue dans des sachets. Hey, où elle est, si par ici, tout s'achète, ils s'achètent des coups. Regarde, Shaggy Squad. On travaille pas plus en nous. Shaggy, dis-leur, c'est le Shaggy Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur, c'est le Shaggy Squad. On va tout brûler, trop de terre, on met des coups. Dis-leur, c'est le Shaggy Squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur, c'est le Shaggy Squad. Fuck it, she got to go. Yeah. Tell her don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. Word. Tell them don't waste my time. Yeah. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell them don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No, no, no, no, no. Shaggy Squad à l'instant dans le Planète Rap, wow. Consacré à Gradure sur Skyrock avec le Shaggy Squad, et vous l'avez certainement entendu pendant le morceau. Ah non. Il y a une arrivée dans le studio. Ouais, il y a Patrice Carteron. Eh, hey, pas du bruit. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans le studio. Patrice, essaye de t'approcher de la table. Là où il y a les micros. Le grand Patrice, très grande taille en plus, hein, qui vient d'arriver dans le studio. Quelqu'un que t'as soutenu d'ailleurs, même si le combat n'a pas eu lieu. Alors on va revenir sur ça dans un instant. Il va y avoir un combat à Dubaï. Mais toi, tu l'as toujours soutenu aussi, Patrice. Ouais, toujours. Mais c'est quelqu'un que tu soutiens depuis un moment, toi, Gradure. C'est un sport qui te plaît, la boxe. C'est quelque chose qui. Voilà. Ouais, moi j'aime bien la boxe. J'aime bien la boxe. En plus, c'est un mec qui vient du 9-1. Ouais. Il vient du 9-1, ouais. Et on soutient. En plus, le 9-1, c'est la famille. Patrice, quelle classe, quelle arrivée. J'ai voulu rentrer discrètement. Oui, t'as voulu rentrer discrètement, mais en même temps, avec ta taille, c'est un peu mort. Chez Gay Squad. Ah, ça fait plaisir, frérot. Tiens, Patrice, essaye de prendre un micro. Tiens, hop, on va inverser les micros. Voilà. Prends celui-ci, Patrice, viens nous dire un petit mot. Comment ça va? Eh ben ça va très bien. L'air de Dubaï était bon. Ah, l'air de Dubaï était très bon. J'ai voulu me faire la misère, mais je leur ai mis une carotte. Bon alors, on va expliquer aux gens peut-être qui n'ont pas suivi, ceux qui se passionnent peut-être pas pour la boxe. Tu devais aller faire un combat là-bas qui est annoncé depuis des mois. Ouais. C'est ça, hein, ça fait combien de temps que gros. En fait, ça fait depuis 3 mois que. C'est 3 mois. Et Badr Hari, on se faisait la guerre sur internet. Ouais. Donc le monsieur m'avait traité de bitch. Après, c'est la boxe aussi, ça, un truc quand même viril. Donc, moi, quand je suis à la date de son enterrement, donc j'ai promis le 16 octobre que c'était la fin de sa carrière. Puisque le combat devait avoir lieu la semaine dernière, ouais, le 16. Ah. Et donc, j'ai tenu promesse, hein, mais bon. Mais il n'y a pas eu de combat. J'ai pas fait comme je voulais faire. À la base, je voulais l'enterrer à coup de pied dans sa gueule. Et malheureusement, il n'a pas monté sur le ring. Mais alors, l'explication qui a été donnée, c'est une explication quand même un peu farfelue. C'est-à-dire que soi-disant, t'es pas professionnel, c'est ça, et que le combat, alors ils ont pris un autre mec au pied levé. Le problème, c'est que j'ai un dossier lourd, j'ai 5 heures d'enregistrement sur la tête. Donc, si ça sort pas le Zayou, je vais tout sortir. Sur bon, en même temps, c'est vrai que t'as foutu la merde aussi. Mais bah, quelque part, la boxe, c'est aussi ça. C'est un affrontement. Métier, ça. Non, mais c'est du trash talking, c'est comme ça. Mais voilà, et pour moi, la boxe, tu vois, parce que c'est vrai que là, en disant il est pas professionnel parce qu'il a dit ça, il a dit ça. Mais tu reprends les plus grands combats de boxe, mais même d'ailleurs, des combats incroyables de Mohamed Ali, si tu veux. C'était même d'ailleurs au moment de la pesée, c'était des trucs de dingue généralement. Non, mais ça y est, c'est cramé. Hey, c'est foutu, là, son histoire de France, tout le monde l'a capté. Toi, t'expliques comment, en fait, grosso modo? Il s'est chié dessus. En fait, je suis parti chercher dans sa chambre. C'est vrai. C'est la vérité, j'ai voulu chercher dans sa chambre. Et tu l'as pas trouvé. Ils m'ont bloqué. Donc après, je l'ai insulté de tous les côtés. Après, pendant ses entraînements, il voulait pas que je vienne à l'heure de son entraînement. Il faisait tout pour m'esquiver par tous les moyens. Mais bon. Bah c'est vrai qu'il y a une conférence de presse. Toi, tu l'as faite, lui, il est pas venu. Ouais, il a fait un jour après. Après, il est resté se planquer. Et puis, ils m'ont bloqué pour pas que je vienne à sa conférence à deux balles et tout ça. Le jour de son combat, ils m'ont bloqué aussi pour pas que je vienne le balancer. Mais voilà quoi. Est-ce que derrière tout ça, hormis évidemment voilà cet affrontement que vous avez pu avoir virtuel dans un premier temps, est-ce que c'est pas aussi ce qui rend triste un petit peu, c'est les organisations, tous ces combats qui sont organisés de boxe. J'ai voulu montrer aux gens, mais là j'étais venu pour ça, j'étais venu pour donner un cadeau. Non mais juste pour après on arrête là-dessus. C'est important. Tu sais, en fait ce que j'ai voulu montrer aux gens, c'est que le Quin, le Banner, Peter Hart, Crocop, etc. C'était des combats arrangés. C'était une organisation faite par les Japonais, une organisation raciste et super mal organisé. Donc c'est pour ça que ça s'est coulé, ça a coulé en 2010. Et le seul qui a pas accepté d'aller dans leur magouille, c'est moi. Et aujourd'hui, j'ai fini à cracher la gueule en tapant leur égérie. Je suis content. Alors bon, bah écoute, c'est quoi alors les prochains par contre combats, Patrice? Ah ben comme d'hab, tu sais, moi je serai indépendant jusqu'à la mort. Quand j'arriverai en France, j'organiserai par moi-même, comme d'hab. Puis je viendrai avec mes petites affiches si tu me fais la pub et puis voilà. Bah t'es déjà passé, hein, tu connais. Oui, c'est vrai, tu connais l'adresse. Gentil avec moi, c'est vrai. C'est voilà. Vrai. Et oui, je vous remercie. Maintenant avec toi, t'as envie d'être gentil. J'ai envie de... Quand on fait ma taille par rapport à la tienne, ouais. J'ai envie d'être très sympa. Tu comprendras en même temps. Hein. Ah non, mais non. De toute façon, t'as pas besoin de ça, je suis comme ça. Bon, ça va, Patrice, en tout cas, ça fait plaisir de te voir. Tu m'as l'air en pleine forme. Hein, non, je l'ai venu parce qu'il est vraiment gentil. Ouais. C'est vraiment. Force à toi, Max Carton. Et je t'ai même venu, tu vois. C'était les gants qui auraient dû massacrer machin. Oh, ouais. Ah c'est lourd, gros. Ça fait grand plaisir. Ah bah je t'ai venu juste pour te la ramener. Ah si merde, ça fait grand plaisir. Il devait y avoir son sang dessus. Ça c'était les gants du combat normalement du 16 octobre. Ah c'est lourd. C'était les gants du massacre et j'ai pas pu la ramener. Ah c'est lourd. C'est lourd, je suis grave content. Dur, je pense que tu vas en faire une photo avec mon pote. Ah ouais, une bonne photo ça. Et attends, prends-moi ma photo avec Carton là tout de suite. Allez, on va prendre la photo pendant ce temps-là. Pendant que tu prends la photo, on met un petit Chegué. Vas-y. OK. Non, attends. Ouais, mais Chegué 6, est-ce que Issa est prêt? Juste parce que j'arrive pas à voir. Juste Patrice, il est grand, il me cache la vue. Toi Patrice qui est très grand, est-ce que tu vois l'ordi ça derrière toi? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il fait un signe genre prêt? Ah, il peut balancer. Ok, c'est le Chegué 6. Chegué 6 et on fait les photos avec Patrice Carteron qui est venu rendre une petite visite à Gradure ici dans le studio de Planète Rap entre 20h et 21h. Quand tu veux, Issa. Grosse force, hein, Patrice Carteron, on est ensemble. Faites du bruit encore une fois pour Patrice. Au régiment, j'avais mon temps masculin. Et au checker, j'avais mon 760 Patrice. Avant mes chèques, moi, t'es pour des vies. Maintenant, on se loue pour des nuits trompeurs. Crache les balles, ramasse les yeux doux. Ta pétasse bouffe les yeux doux. Mes chèques vont niquer sa deux chats. Qu'elles soient moundées, les moundies, boumoui. Chérie, que des soldats sur le AV. Pédé, tu finis à poil si t'as blasé. Nique sa mère, Hollande, dans mon DPI, en Gova et les torches sont blindées. Me casse pas les couilles, négro, j'ai le flow amigo. Je me mélange pas tous ces pédés, puis la migos. J'suis né pour baiser le game et baiser le homme. Ah oui, moi dans le game, j'm'auto-proclame Yormé. Validé de l'île Paris, à Miami. Chérie, tous mes textes, ton check sont entrés. Chérie, c'est la même avec ou sans deux, oui. À ce qui paraît, tu brasses, à ce qui paraît, t'as dealé. Arrête tes blabla dans tes poches, y'a même pas toi, j'te du lait. Mes chèques récupèrent et distribuent comme ma coude. Pendant que toi tu fais des blagues, les mensonges gros comme ma coude. Sur la vie de ma homme, sur la tête de ma homme. Et tous ces fils de pute qui parlent dans mon dos, j'ai deux guines, j'les plage, j'enlève et j'la remets. Ouais, j'la remets. Mon négro quand je rafale, ça fait pa pa pa. Gradure validée par Carteron, alors pa pa pa. J'la prends. dents sur le mur, elle se colle à mes gros bras, bras. Et je baisse ta vieille, elle tue ta queue, et je crache des perles comme Paul Pogba. Je suis venu au monde en paix, mais je suis un tueur né. Dans le game, on me compare à des tontons, je suis un nouveau-né, un nouveau-né. Au régiment, j'avais mon pharma spiri. Et au checker, j'avais mon 762. Avant, mes chèques se battaient pour des billes. Maintenant, on se fume pour 2-3 litres en peu. Au régiment, t'avais ton pharma spiri. Et au checker, t'avais ton 762. T'as voulu faire la guerre pour un yébi. Tu t'es fait rafaler au 7. Hey Kamas, n'arrachasse pas ton gros gamas. On baisse tes rappeurs pendant Kamas. La chambre du gratuit sans de rééducation. Je baisse leur mère et gratuit, on fait leur éducation. J'en ai rien à foutre de tous ces pédés qui parlent. Rien à foutre de tous ces MC qui chattent. Le diable demande comment je fais pour salement traper sans avoir signé un pacte. Machallah, je vais mourir comme un soldat brave. Je vais pas évoquer le chétan dans mes cantiques comme ses traves. Petite pétasse, si tu me suis, faut avaler, me stop. Il disparaîtra dans ta gorge aussi vite qu'on l'appellera Caster. Je comprends pas le gratuit et vulgaire, mais c'est salope qui est salope. On sort de dol, on baisse ta daronne comme Bernard Hopkins. Ces pétasses veulent m'habiter, ils croient qu'ils vont me trahir. Tu m'as donné ton hume, tu croyais que j'allais t'appeler, mais qu'est-ce que tu croyais? T'as vendu 2-3 barres et tu te la joues au quartier. Moi je contrôlais mon régiment, trahi lunettes quartier. D'ailleurs, putain de gamos, tu crois que j'ai acheté comment? Je viens d'arriver, je prends leur place, ils comprennent pas comment. Je suis comme un ovni venu de nulle part. Je rafale tous ces pédés de rappeurs pendant la douce part. Bah ouais, dans ce putain de game, j'ai pas de copie. Bah les coups que ces petites salopes me prennent pour une paille. Bon, bordel, bordel, bordel, bordel. Au régiment, j'avais mon femme à fini. Et au checker, j'avais mon 762. Avant mes chèques, ils se battaient pour des billes. Maintenant on se fume pour 2-3 litres en peu. Au régiment t'avais ton femme à spiri. Et au checker t'avais ton 762. T'as voulu faire la guerre pour un yébi. Tu t'es fait rafaler au 762. Chèque pour le garderon encore une fois. Ouais. 9-1. Aïe aïe aïe. Grosse force aux frères enfermés. On est ensemble. Garderon pas maillé. Garderon pas maillé. Garderon pas maillé. Garderon pas maillé. Garderon pas maillé. Garderon pas maillé. Et Che Guevara Squad. C'est Gradure dans Planète Rap entre 20 et 21 avec le Che Guevara Squad avec Patrice Carteron qui est venu apporter ses gants. Attends, ça c'est des gants collector. Hein. Ah ouais, je vais les garder celle-là. Elle bouge pas. Celle-là, ça devait être le combat du 16 octobre. Voilà, je vais les garder celle-là. Ah. C'est lourd, c'est tiens, lourd. Patrice, t'avais prévu d'entrer sur quel son? T'avais un son de prévu ou pas pour entrer si tu devais faire le combat? T'avais un son de prévu ou pas pour ton entrée? Bah, prends le micro, hop, qu'on t'entende bien. Non, je vais dire franchement, j'allais surprendre tout le monde pour une fois. C'est vrai? Hein? Parce que j'allais rentrer avec la Marseillaise. Pas mal. Ça aurait de la gueule. Et je voulais leur montrer. Je voulais leur montrer, il faut nous respecter qu'on est tous français avec nos gueules qu'on a. Voilà. Quand ça plaise ou non, on est tous français. Voilà. Et je voulais leur faire comprendre qu'on était là et qu'on est tous français. Et donc je voulais chanter la Marseillaise pour leur montrer que je la connais par cœur. Voilà. Faut que le raciste. Voilà. Faut que et là, raciste. Quand j'arrive à l'étranger, je suis français et je suis fier de montrer que nous, les Français, on est les meilleurs. Voilà. Pété, on n'est pas tout seul. Pété sa gueule à Dubaï. Mes citoyens, m'avait dit dans Planète Rap, et surtout celui de Gradur, qu'on allait entonner la Marseillaise avec Patrice Carteron qui était là avec nous. C'est lourd. Belle surprise. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Bon, Patrice, merci de passer. Tu restes un peu ou... Non, je vais plus poser. J'adore. Bon, bah merci à toi en tout cas. Non, c'est bien. Merci d'être passé. On attend donc. Écoute, on attend les prochains combats, hein, Patrice. Prochain combat, hein. Ah ben, comme d'hab, tu me connais. Oui, je... D'habitude, je sors. Je reste chez moi, je sors de ma tanière pour niquer les gens, je disparais. Et ben, rentre bien à la maison, tranquille. Grosse force à Patrice. Ça fait grave plaisir. Voilà, il est passé en force au max. Ça fait plaisir. On a chanté la Marseillaise. On a eu des gants de boxe. Voilà. Bref, on est refait. C'est on du revient. Lourd, c'est du lourd. On revient dans un instant. Ne bougez pas sur Skyrock, le retour du son. Petite photo que vous allez bientôt retrouver sur le Skyrock FM, sur l'Instagram de Skyrock, sur le compte Twitter de Skyrock. Allez faire un tour sur le Facebook de Skyrock. Et bougez pas, on revient dans quelques minutes. Vous pourrez poser des questions. Tiens, à Gradur, appelez, envoyez vos questions 41759. C'est juste après ça. You're listening to Skyrock. Comme toi, Gradur a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h, 21h, tous les soirs sur Skyrock. Passez une bonne soirée, une grosse soirée dans Planète Rap, une fois de plus avec Gradur entre 20 et 21, avec l'équipe du Chege Squad, Kaïbs qui nous a rejoint aussi, qui a trouvé le chemin du studio. Il y a du monde, bouchons, hein. Les bouchons. Ah, les bouchons. Même dans l'escalier, il y a des bouchons, là. T'as vu? Pour arriver jusqu'ici, jusqu'au studio, si vous mettez les images, vous n'allez pas être déçus. 41759 pour laisser des messages avec le hashtag Gradur sur Skyrock. Dans un instant, on va faire un petit flopé de questions pour Gradur dès qu'on va le récupérer, mais je crois qu'il est, Gradur, il est dans le fond avec Patrice. Il est en train de faire une petite séance photo avec Patrice Carteron qui nous a fait une petite visite dans le studio de Planète Rap entre 20h et 21h. Ah, voilà, j'ai réussi à te récupérer, Gradur. Ah, c'est une mission, hein. On est en train de faire des photos là. C'est une émission sportive, hein. Il y a une petite flopée de questions pour toi. Des gens qui se sont appelés pour poser des questions. On y va, on attaque avec Alassane de Deauville. Salut Alassane. Salut. Allô. Ça va bien Alassane? Ça va et toi, Fred? Ouais, on te laisse poser la question à Gradur qui est là avec nous. Allô, Gradur. Ouais, mon pote, ça va quoi? Bien quoi, mon chéri? Et en léger, hein, tu connais. Là, je voulais juste te dire, on t'écoute tout le temps en boucle dans la voiture, tout le temps. Bien bon, ça fait plaisir. Ouais, je voulais te demander si tu comptais passer, enfin, si tu comptais faire une tournée, quoi. Une tournée dès que l'album il sort. Et dans ta tournée, tu comptes passer à quand ou pas? Je vais passer partout, mon chéri. Partout. Là, il y a les premières dates qui sont tombées. Enfin, la première date qui est à Paris pour l'instant, c'est au mois de février. Ouais, c'est en février. Sinon, il y a des showcases. Tu fais quelques showcases. Il y a Lyon le 31 octobre. Bah, regarde, samedi, je suis à Fribourg en Suisse. Le 31, je suis à. Comment ça s'appelle? Au Red Room à Lyon. Le 8 novembre, je suis à la Belleville pour le concert de Sean. Donc, il y a plein qui arrivent. Ah, il y a Jérôme Le Banner qui arrive aussi, bah dis donc, ça va être sympa dans les couloirs. Et voilà, c'est lourd. Et donc ouais, grosse tournée, alors peut-être à Caen aussi ou en Normandie prochainement. Merci à toi Alassane. Morgane de Sainte-Geneviève des Bois dans le 9-1 Allo. Morgane. Ouais, on est là. Ça va bien là. En forme? Tranquille, hein. Gradur bien ou quoi? Ouais, tranquille et toi mon chégué, ça va ou quoi? Tranquille, on est là. Quelle est ta question? Quelle est ta question pour Gradur? Ouais, Gradur, tu vois, est-ce qu'il y aura un développement d'une marque de vêtements? Parce que tes t-shirts, ils sont terribles pour tes clips. C'est vrai? Ouais, ça. J'ai mis un site. Je vais mettre un site là sur Facebook là vers 23h. Vers 23h, regarde. C'est 23h. Les t-shirts Chege Squad, ils arrivent. Les t-shirts et les bobs aussi, les bobs, ils arrivent. Donc, visite. Collection pas de bobs qui va arriver. Et quand l'album il va sortir, je vais essayer de prendre un maximum de t-shirts et je vais aller à Paris, à Lille, dans toutes les villes et tous ceux qui ont acheté mon album en physique, eh ben, ils auront un t-shirt. Ils repartiront avec le t-shirt au moment de la sortie de l'album. Un t-shirt ou un bob. Question maintenant de Yanis de Dunkerque. Tiens, le Nord te manquait peut-être. De 5-9. De 5-9. Allo Yanis. Ça va ou quoi, mon chégué? Ça va et toi? Ça dit quoi? Au calme. Ouais, ça va, on est là. Hein, tu connais. Ah, on soutient, frère. On vient de Dunkerque, regarde la zone à Caïbs. Tu connais. Caïbs, il y a du bruit pour Caïbs. Bien bon. Tu sais que tu connais, voilà. C'est la famille, frère. Ouais, c'est ma question, je voulais te demander. Mm-hmm. Quel jour on te propose d'aller en maison de disque? Ça serait quoi ta question ou ta réponse? Bah, si ça peut m'apporter plus que ce que j'arrive à faire maintenant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si Yanis, ça peut m'apporter plus. J'arrive pas à la télécharger, c'est normal. La mixtape? C'est parce qu'il y a beaucoup de téléchargements, mais regarde bien sur Haute Culture, normalement tu peux la télécharger. Ah si, mon chégué, Dunkerque, contentant, hein, viens nous faire un vas-y, t'inquiète même pas, on viendra avec Caïbs, Chege Squad. Petite dédicace à mes potos, à Kenza, à Neto. Et voilà, on soutient. Et Kaïps lourd, hein, ça va arriver. Moi, je suis là à côté, tu peux parler, Kaïps. Merci à toi, Yanis, à l'instant. Et bah oui, pour répondre à ça, je pense que voilà, si à un moment il y a une opportunité maison 10 et si t'apportes d'autres choses, bah pourquoi pas non plus. Bah pourquoi pas. L'avenir nous le dira. L'homme au Bob, ça sort prochainement. T'es, en tout cas, t'es dessus, t'es en train de bosser. Là, d'ici là, il y a la mixtape en téléchargement gratos. Une lourde mixtape avec 45 sons. Sur audioculture.com. 45 sons gratuits. On m'a proposé 10 000 euros pour la vente sur iTunes. J'ai dit non. 10 000 euros, mon frère. Là, tu l'as fait gratos. Je l'ai fait gratos. C'est pour vous. C'est on en écoute un extrait maintenant de la mixtape. Tu veux qu'on mette un petit shaggy ou vas-y, avant le freestyle. T'as des extraits de la mixtape ou t'as tout? Lisa, Issa, peut-être doit avoir. Ouais. T'as tout, Issa ou... Sinon, je vais faire Folk Love en live. Hein, si ah, bah on le fait. Alors, tu sais quoi? On va le faire dans un instant. Est-ce qu'on a le freestyle par téléphone? Est-ce que c'est bon pour le freestyle par téléphone? Vas-y, parfait. Allez, freestyle par téléphone de Marocco de Valence. Salut, Marocco. Salut, ça va? Ça va bien et toi, Marocco? Ça va, tranquille. Hein. C'est l'heure du freestyle avec Gradure que je te présente. Eh, hey, beauté, Gradure. Ah, beauté, Nao. Zaza, tu connais. Marocco, cette semaine, vous repartez avec le jeu NBA 2K15 avec le t-shirt Adidas 2K15 qui va avec. Franchement, ouais, ça fait plaisir. Hein. Et puis je rappelle que dès lundi, tous les freestyles des freestylers de cette semaine, ils seront sur le blog de Planète Rap. Vous pourrez voter et l'un de vous repartira avec la PS4 grâce à nos amis du jeu NBA 2K15. Marocco, prêt à rapper? En tout cas, ça me fait plaisir déjà de passer ce soir parce que à la base, moi je suis né à Lille. Ah, et franchement, ça me fait super plaisir. Bien bon, mon frérot. Wazem, j'oublie pas d'où je viens. Wazem, c'est Lille, ça, tu connais. C'est le 5-9, c'est partout. Non, allez, on t'écoute rapper maintenant, mon pote. J'écris des textes, je m'en bats les couilles ce que les gens pensent. Quand je rappe dans ton oreille, écoute bien ça te met en transe. Respect, c'est pour les frères, pas pour les salopes. Pour tous les têtes cramées, et qui est ceux qui galopent. Refrain, les temps sont durs, un deck à la bassine. Quand je rappe ça te fascine, pourtant ma plume n'est pas facile. J'emmerde, la politique m'emmerde. Allez viens, je t'emmène, faire un petit tour où la crise nous a tous vénène. On te met une grosse banane, moi j'apprends ta danse averdique dans mon dos, ça parle. Les jaloux c'est comme des merdes, hier j'ai le flow, type des rituels. Rares sont mes amicales, type tous les sabécanes. Clique si jamais ça ricane, kick des putains de cristal. Vite, je vais sortir des classiques, m'enrichir avec ma zik. Yeah, l'homme au pop dans les packs, on dit j'ai des squats. L'homme au pop dans les packs, j'ai des squats. L'homme au pop dans les packs, j'ai des squats. J'ai des squats, j'ai des squats. Batana Masoko, y'a barrageux. lourd. Merci à toi, Marocco. Bah merci, je voulais vraiment faire une dédicace à toute la famille que j'ai, Quartier Moulin, Valenciennes, la Madeleine. Après vous pouvez me trouver sur ma page Facebook Marocco26. Et gros big up à tous les gars qui me soutiennent. Vas-y, Adji, Wata, Billy, Prince, tout le monde. T'as des sons sur YouTube? Hein? T'as des sons sur YouTube? Ouais, y'a des sons sur YouTube. Vas-y, c'est quoi, c'est Marocco26? Marocco26, ouais. Vas-y, ce soir, je te partage, comme d'habitude. Ah, si, vas-y, force à toi, mon chéri, on est ensemble. Eh ben, merci à toi, Marocco. Et puis, tu retrouves à ton freestyle la semaine prochaine sur le blog de Planète Rap. Je rappelle aussi que vous rappez sur des sons qui sont extraits du jeu NBA 2K15. Toi, tu avais choisi le morceau de Clips à l'instant. Merci, Marocco. Bonne soirée. Est-ce que tu es prêt pour live, Gradure, ouais, maintenant? Je suis toujours prêt. Morceau Fuck Love? Ouais, c'est parti. Quand vous voulez, Lordi, ça est au platine. Benverzouz. Enfermé. Dis ça. Fuck love. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attends, je crois, il faut que je me lève pour voir un peu ce qui se passe. Émission. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit. Ah, il a pas l'instru? C'est le Fuck Love, la 4. La 4. Ah, bah voilà, je le vois maintenant avec les images. Parfait, on y va. Gradure en live. Chuck Squad. Yannick Doublé, Richouzer, on est ensemble. Tous mes frères enfermés, on est ensemble. Enfermés. Romain, l'autre fille, je vous oublie pas, les frérots. Je roule un joint de weed, je repense à la haïtienne. Comme un fou fait partie, j'ai compris que l'amour se trouvait dans la recette. Et ouais, il se trouve dans la recette. Mon négro, fuck love. Faut que des lovés. Si je roule en grosse gamme négro, je crois que je vais fouffer. Si je continue à salement trapper, je vais les doubler. Que des femmes vénales cherchant la monnaie. Mais allige tous mes chiens de la casse sont en quête de double bonnet. J'en ai rien à foutre, tu regardes des gens. Ils parlent tous dans mon dos, mais quand ils me voient, ils sont tigeants. gradure ceci, gradure cela. Je m'en bats les couilles tant que je donne à maman quelques cieux là. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trail. Je les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Me néglige quand je suis en chien, me kiffe quand j'ai du ralis. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trail. Je les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Me néglige quand je suis en chien, me kiffe quand j'ai du ralis. Mon 5-56 crache des balles, aussi vil que le musper. Aussitôt j'arrive dans le game, aussitôt je vais séparer. Bah ouais, je vais séparer, contrôler le réseau et c'est faire. Je vais prendre le game et le mettre la fesse et il va se laisser faire. Comme un soldat afghan, je vais sortir la calache, camoufler ma ganache. Je rappe français, je ramène du panache. Top rap musique pro black, pro black. Par des négros costauds trapus comme les All Blacks. Laisse-les parler, négro, laisse-les parler. En 7-8 mois dans le game, négro, je vais me l'accaparer. Je sais que je peux percer, je sais que je peux crever. Du sang d'esclaves dans mes xeté, ouais, le chèque est trop vrai. T'es qu'avec un foie masque que je me sens en paix. Découvert. Y'a qu'avec un famas que je me sens en paix. Laisse les haineux jacter, dans quelques mois ils vont ramper. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trail. Je les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Me néglige quand je suis en chien, me kiffe quand j'ai du ralis. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trail. Je les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Eux qui maïssent. Me néglige quand je suis en chien, me kiffe quand j'ai du ralis. J'ai du ralis. Wow, wow, wow, chez Gay Squad. Fuck love. Fuck love. Fuck love. On n'entend rien avec l'instru. C'est lourd, pinard. Chez Gay Squad. À l'instant. Gradure, Fuck Love en live dans l'émission dans Planète Rap entre 20h et 21h. Gradure, notre invité avec le Chez Gay Squad sur Skyrock. Qu'est-ce qu'on fait? On continue sur du live? On met des morceaux Gradure? Sortez les peupons. Sortez les peupons? Sortez les peupons. Et bah, quand vous voulez maintenant, c'est l'ordi ça qui est au platine cette semaine. Chez Gay 9. Dans Planète Rap entre 20 et 21h. Et je vais entendre du bruit derrière. Sortez les peupons. Attends Fred. Ouais. Attends Fred. C'est le freestyle là. Ah tu veux en freestyle? Ouais, je vais le faire en freestyle. Alors attends, on a l'ordi ça. L'ordi ça, pull up moi ça. Ils sont trop chauds derrière, on va le faire en freestyle. Donc freestyle, est-ce que Ayalissa a bien les instrus à tout? C'est bien ça. Et eh ben on y va, c'est parti. Ok, je vais entendre du bruit derrière. Et c'est sortez les pépins. Aïe aïe aïe. Reculez un peu. Boum. Il y a trop de chien à l'enfer. Sortez les peupons. Négro, sortez les peupons. Dans mon sac de c'est la guerre. Négro, sortez les peupons. Sortez les peupons. Négro, sortez les peupons. Six bâtards, ton regard de travers. Vas-y, shoot le peupon. Shoot. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Dans mon sac de c'est la guerre. Négro, sortez les peupons. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Choisir V9 PDA City. Sortez les peupons. Nique ta mère, tu sais pas qui nous raconte des bêtises. On sent pas les coups, tu buzz des gros, je rappe avec une scalamane. Stendhal sur le terre-terre, des transactions illégales. Vas-y, recale un de mes bougues, si couvre que la putain de violence, la barbarie. Ville la plus pauvre de France, c'est Roubaix, c'est barbarie. Que des rebelles, des négros, de la bonne feu, de la gueudre, des gens, j'en souris pas. Des polis, des meurs, des BM, des mercos, le patrimoine du ghetto. Des salopes, des indiques. Des coups de fil anonymes sont donnés. Ta poucave, ton ghetto, tes têtes, on a trouvé ta dépouille, t'as pas abandonné. J'me ravitaille dans le secteur pour la visée au régiment. Je te parle pas de famas, mais de calage dans les cafés, mani le manima. Toujours tes gars, toujours mes mains. Pas au samba, pas au mela. Yama, yoga, boulet, ISK, MC, j'ai mal en boca. Toujours tes gars, toujours mes mains. Pas au samba, pas au mela. Yama, yoga, boulet, ISK, MC, j'ai mal en boca. Sortez les pimpons, sortez les pimpons. Si ce bâtard te regarde de travers, vas-y, shoot le pimpon. Dans mon 5-up, c'est la guerre, négro. Sortez les pimpons. Choisir 1000 PDA City. Sortez les pimpons. Faut grosse naf. Grosse naf. Jacket. Y'a de la CC, y'a de l'héros. Joue pas le héros, je vais être canard. C'est le paro. Des gros menec où tu mettais panard. Mais c'est peut-être vrai que je suis paro. La rouge m'a laissé des grosses palaves. Je la baisse comme une chaîne, elle encaisse. Négro, c'est pire que le zoo dans ma tête. Rallye, euro, CC, extra. Ah, il est pas là, mais on le fait quand même pour lui. Voilà, big up à Yeska. Ouais, faites du bruit. Putain, c'est la guerre. Ne te mêle pas de mes affaires. Bloqué, chargé, j'suis dans le quartier. Lié, violé, pillé, vert. Négro, c'est la street qui m'a forgé. À cause de la S que j'ai connu. J'ai des putains de projets. M'arrêtez, vous ne mourrez plus. C'est le retour de ISK. J'arrive dans Game en RSK. Viens, pécho si tu veux de l'extra. J'retiens les plaques de la bague. Négro, c'est la bague. Il est là. Il est là. Oh. Sortez les pimpons, négro, sortez les pimpons. Dans mon tête, c'est la guerre, négro. Sortez les pimpons. Si ce bâtard te regarde de travers, vas-y, shoot le pimpon. Shoot. Sortez les pimpons, négro, sortez les pimpons. Dans mon tête, c'est la guerre, négro. Sortez les pimpons. À l'instant, en live. On va la remettre après celle-là, c'est pas grave, on va passer dans la tourmente. Bah, on va passer quoi dans la tourmente? Ouais, dans la tourmente avec Midos, et après on va revenir avec Sortez les pimpons. Voilà, sur Skyrock Gradure avec okay. Nous, entre 20 et 21, pratiquement en live, il y avait presque tout le monde dessus. Il y avait ISK, il vient d'arriver. ISK qui vient d'arriver à l'instant. Voilà, donc on va le refaire pour lui après. Ça va? On va refaire ça après. On le refait après? Ouais. Bon allez, on met un petit morceau et on le refait juste après. Vas-y, d'accord. On va mettre Chez Guédis, allez, un petit Chez Guédis et juste après, on refera le morceau sur Skyrock. C'est parti, Chez Guédis. Ah, c'est Issa. Issa, tu l'as le 10? Ouais, c'est Traction. Le Traction. Traction. Allez, c'est parti. Chez Guédis. Balou Ostar, Oni, on est ensemble mon chégué. Sur du gras, tu refais des pompes, des tractions. Alarmé, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casque. Ouais, je répète. T'as peu dans le casse. Le petit Grady a changé, devenu mauvais garçon. Sur du Grady, on fait des pompes, des tractions. Un petit car, j'avais mon Glock et du shit dans le casse. Ouais, je répète, du shit dans le casse. Tous les chéguets te font du mal. Ouais, fais attention. On s'en bat les couilles du rap game, négro. Ces rappeurs nous critiquent, ouais, chez qui te craignent, négro. On s'y fera jamais comme pour entrer en Dura. Écoutez pas les mecs de thèse dans les blocs des putains de guerres. Putain mon son ainsi tous les négros braqués. Dans les coutons j'monte dans cette robe. C'est la rue qui me baquait. Fais attention autour de moi y'a plein de gens. Gradure c'est le plus gentil mais derrière moi négros sont méchants. Ouais. J'les respectais tous quand j'les écoutais sur YouTube. Maintenant c'est Gradure qui frappe les négros titus. J'viens de faire en 7 mois ce qu'ils ont jamais fait en 15 ans. Bah ouais qu'ils sont jaloux. Ouais, tu crois que je plaisante? Tout check m'a dit, voilà, gratuit, on fait leur la misère. Rafale tous ces pétés dans mon régiment zère. Le game, je lui ai mis dans le cul, il arrête pas de saigner. Ces bâtards veulent ma bite, maintenant je vais signer. Sur du gratuit, on fait des c'est un peu dans le casse, un peu dans le casse. Ouais, je répète, t'es un peu dans le casse, un peu dans le casse. Le petit Grady a changé, devenu mauvais garçon, mauvais garçon. Sur du gradu, on fait des pompes, des tractions, pompes, des tractions. Ok, car j'avais mon Glock et du shit dans le casse. Ouais, je répète, du shit dans le casse, du shit dans le casse. Tous les guettes font du mal, ouais, fais attention. Bien bon. Bien bon. Ah les enfoirés. Chouette zère. Bien bon à l'instant, le Chegetis. C'était le feu. Et c'est le feu et c'est pas fini puisqu'on refait maintenant le morceau. Il y a quelques minutes, il manquait l'un des participants. Voilà, il manquait et on va bien le faire. Et donc là maintenant, tout le monde est là dans le studio. On va donc pouvoir le faire si l'ordissa est prêt. Vas-y. Allez, attention, c'est parti. Faites pas trop de bruit, sinon on n'entend pas bien, ça va être décalé. Ouais. C'est bon les mecs. C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de monde dans le studio. Vas-y. Sortez les. J'allais que sur le refrain. Sortez les peupons. Ouais, vas-y. En live. Sortez les peupons. Négro, sortez les peupons. Dans mon 5-7, c'est la guerre, négro. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Négro, sortez les peupons. 6 bâtards, ton regard de travers. Vas-y, shoot le peupon. Shoot, shoot. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Dans mon 5-7, c'est la guerre, négro. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Choisir une meuf PDA City. Sortez les peupons. Nique sa mère, tu sais pas ta qui nous raconte des bêtises. Des bêtises, des bêtises. On s'en bat les couilles du buzz, négro. Je rappe avec mes scars, mes vrais niggas. Stendhal sur le terre-terre, des transactions illégales. Légales. Vas-y, retard, un de mes bougues, chicou, va que de la putain de violence, la barbarie. Vu la plus forte de France, c'est Roubaix, c'est barbarie. Que des rebelles, des négros, de la bonne bête, la que trop des gens, j'en suis rétro. Des bolis, des meurs, des BM, des mères, pour le patrimoine du ghetto. Des salopes, des indics, des coups de fil anonymes sont donnés. T'as plus qu'à ton ghetto, t'es dead, on a trouvé ta dépouille, t'as pas abandonné. J'me ravitaille dans le secteur, pour la visière au régiment. Te parle pas de calage, mets de famas dans les caves, on manie le maniement. Tozo teka, tozo mema, bazo samba, mazo mera. Nya, yoga, doule, ISKM, c'est j'ai mon avocat. Tozo teka, tozo mema, bazo samba, mazo mera. Yama, yoga, nourrir, ISKM, sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Dans mon secteur, c'est la guerre, négro, sortez les peupons. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Si ce bâtard te regarde de travers, vas-y, shoot le peupon. Shoot, shoot, sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Dans mon secteur, c'est la guerre, négro, sortez les peupons. Sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Sortez le bonbon. Grosse lance dans ma jaquette, jaquette. Grosse tasse sous ma braquette. Y'a de la CC, y'a de l'héro. Joue pas le héros, je vais être canard. Dans mon faussaire, ça retourne paro. Négro bel, écoute, tu mets des banards. Ou c'est peut-être que je suis paro. La rue m'a laissé des rôles banards. J'abaisse comme Michel à l'enquête. Négro c'est plus que le son dans ma tête. Raliste, héros, extra, CC. C'est la BAC et la police que je pèse. Vas-y gros, fais péter son dans ta caisse. BM, Audi, Mercedes. J'rappe à l'armée, je AK. Je reviens, mais c'est plus la terre. Dans mon 7-7, c'est la guerre. Ne mêle pas mes affaires. Bloqué, chargé, je suis dans le quartier. Billet violet, billet vert. Négro, c'est la vie qui m'a forgé. À cause de la haine que j'ai connue. Aujourd'hui, j'ai des putains de projets. M'arrêtez, vous n'êtes pour refuser le retour de l'ISK. J'arrive dans le game en RSK. Viens, pécho, si tu veux de l'extra. Je retiens les plaques de la bague. Négro, c'est la guerre dans mon secteur. Baisse les portes, les inspecteurs. Chevaux dans le moteur. Sortez les peupons, négro. Sortez les peupons. Dans mon 5-2, c'est la guerre, négro. Sortez les peupons. Sortez les peupons, négro. Sortez les peupons. 6 bâtards, on regarde de travers. Vas-y, peupons. Shoot, shoot. Sortez les peupons, négro. Sortez les peupons. Dans mon canon, 5 up, c'est la guerre, négro. Sortez les peupons, sortez, sortez les peupons, Dieu, sortez les peupons. Choisir une PDA, si tu sortais le peuple. C'est pour mes types les fous comme les grands. Fais pas la bêtise de parler sous mon règne. T'as voulu les gants pour qu'on nous perd. Je baisse un lit PDA sur mon check. L.I. sortez le peuple. Tu m'aimes pas gros, et lui de même check. Joue pas les gros bras ici, on se fera sec. On sort le peuple en tout bas. Tu vas nous peuple en RIPA. Respectez pas les gars, pas d'arras trop des gars. On se pense c'est pour les gars, on encule tous les gars. FCG gratuit, ISK. On n'est pas loin de la détente. On allume ta maman, pas les couilles de la détention. Quand y a les flics, on les pute pas de tension. Des gros bras longs connectés avec mes vrais en prison. J'rappe la hurle, j'défends tous les questions. Mon flow plus le vécu, j'y tombe dans tes barons. Barons, barons, barons. Une balle pour les ennemis, une balle pour les hypocrites, une balle pour ta race de victimes. Parce que tu fermes pas ta gueule de plus, de plus. Fais pas la salade, gros blanc. Ton but, c'est la guerre chez Guénin. Mec de place, banaké, y'a pas de bluff. Pour ton zoo, pas besoin de bluff. Nul, seul père, 19 milli, mais bon, j'ai char rempli de balles. Et tout le monde, on est des terres envie, mais des troubles. Sortez les peupons, Dieu, sortez les peupons. Dans mon 5-9, c'est la guerre, négro. Sortez les peupons, sortez les peupons, négro, sortez les peupons. Si ce bâtard te regarde de travers, vas-y, shoot le peupon. Yes, sortez les peupons, MC. Sortez les peupons. Dans mon 5-9, c'est la guerre, négro. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Choisir, il est PDA, si tu sortez les peupons. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Merci Gradure, ouais. Franchement, que Dieu lourd. Port d'Arras, Port d'Arras, on est ensemble. Merci à vous tous pour le live à l'instant. Gradure, Dog Empire, les gars de Bexel sont là. Ok, projet arrive long. Bench Poppy, ok, 7-7. Merci à vous tous pour cette soirée dans Planète Rap. Juste avant de se dire au revoir, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée événement de Soprano dans toute la France. La roulette qui tourne avec Teddy de Rennes. Salut Teddy. Salut Fred, comment ça va bien? Eh ben écoute, en grande forme, on garde du monde, gros live, on est bien toute la semaine. Ouais, gros live, gros rap, j'entends ça, Gradure. Mais exact, avec Gradure, notre invité, Teddy de Rennes. On est ensemble, chez Gué. Ça va bien, Teddy? Ouais, ça va super. Tu es prêt à faire tourner, on y va? C'est parti. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, la roulette tourne. Stop. Et va s'arrêter pour toi sur la case, c'est Teddy. Et ben voilà, tournée de Soprano, deux places du côté de Rennes. Ce sera le 15 novembre prochain. Yes, c'est pourquoi, mon pote. Passe une bonne soirée, Teddy. Merci beaucoup, la même. Ciao, ciao, Gradure. Merci pour cette belle soirée encore. Bien bon, bien bon. Merci à tous ceux qui sont passés en live dans l'émission, ouais, à Patrice Carteron, qui est venu apporter ses gants. Ouais, c'est lourd, ça fait plaisir. Et ben merci à vous tous. Demain, on se retrouve pour déjà la dernière de la semaine. Ouais, la dernière de la semaine, c'est déjà fini, malheureusement. Entre 20 et 21 sur Skyrock, tous vos messages avec le hashtag Gradure sur Skyrock. Merci, ouais, à vous tous. On est ensemble. On va retrouver la radio libre de D-Fool maintenant sur, vas-y, Skyrock. Bien bon. On est là. Eh oui, je vous entends. C'est à rentrer devant la radio, c'est entrée bloquée, on est passé par l'entrée de secours. C'est vrai, ça. T'as c'est... vu ce que tu fais, Gradure? C'est bien bon. C'est bien bon, bien bon. Donc d'ailleurs, maintenant que vous passez la nuit ici, vous pouvez plus sortir, hein, je vous le dis. Je crois que nous allons encore avoir des soucis avec les voisins. Ah ouais, ben là, je peux ça va dire. Être la fête des voisins. Sabi, t'as pas pu rentrer. Mais gros, j'ai passé 15 minutes dans la rue et essayer de rentrer dans la radio, quoi. Ah ouais, à ce point? Mais j'ai jamais vu ça. T'as il paraît que toute la rue est complètement bloquée, ouais. Même pour Eminem ou quoi, c'était pas bordel. Ouais, ouais. Hallucinant, gros. C'est quoi ce bordel, Gradure, là? C'est pour Gradure. Oh la vache. Bon, alors on reste de l'équipe. On a dû faire le tour, quoi. Passez pas l'issue de secours, hein. Ah ouais, franchement. Ouais, issue de secours direct. Force à vous. Force aussi à toi, ouais. Force à nous, oui. Et ils sont massifs en plus, les auditeurs, Gradure. Franchement, il y a que des masses, quoi. Ça fait grand plaisir. Bah, ça fait des pompes d'étraction, hein, en écoutant Gradure. Ah, ça y va. C'est lourd. C'est lourd. C'est ça. Gradure, demain soir, ensemble aussi, entre 20h et 21h, pour le dernier Planète Rap de la semaine. Vas-y. Et pas loupé. Ah bah oui, non, à pas loupé. Hein. Chez Gué Squad, on est ensemble, mais chez Gué. Bah en parlant de chez Gué Squad, Gradure. Ah, ouais. Karim veut te demander un truc. Il y a qui est-ce, ah, qu'on, qui est-ce qui t'en a ramené normalement? Ah, c'est bon ça. C'est bien bon. Bien bon. Bien bon. Bien bon. T'as vu, Karim, il sait pas se tenir. Hein. Ouais, bah non, mais on me promet des trucs. Moi, mais surtout, depuis que tu lui as promis un survêt, le mec s'est pas habillé. Hein. Ouais, j'ai pas changé de vêtements. Il a fait sa tenue. On est ensemble chez Gay, force à toi. Demain, Gradure, 20h-21h, la dernière de la semaine. Je sais pas ce que ça va faire demain, mais à pas louper. Soyez là. Tout l'arrondissement va être bloqué. La France entière sera bloquée demain. Toute la France entière, ouais, c'est ça. Gradure, c'est sur Skyrock. Et sur Skyrock aussi, la radio libre qui arrive dans un instant. Il y a plein de choses ce soir. Hein. Restez bien dans le coin, il va se passer des trucs de fou. Mais j'en dis pas plus. De dingue. Oui, on vous dévoile tout dans un instant sur Skyrock. Et puis on se fait le son d'Iggy Azalea là pour démarrer. C'est Black Widow Baby pour démarrer cette soirée. Et puis vous nous appelez sinon. Hein, 01 53 40 30 20. On vous attend jusqu'à minuit, le 41 759, l'appli Skyrock. Le skyrock.fm. C'est parti. Salut Gradure, salut Fredo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.